d'avant, pas faire de nous une phobie. C'est fils d'immigrés, amis nombreux du fin fond des cités d'enfants, jusqu'à notre dernier souffle, on gardera espoir. Assez déplacé, regard froid et tête brasée, les pieds dans la boue au fond de la fosse, sans craindre pour pouvoir brûler par la force. Assez déplacé, système et coupe à s'année, on marche avec des trous au fond des poches, mais on craint pour barbonner par la force. Regarde-nous, a-t-on l'air de français de souche ou de suspect à l'occasion, disons se fausser dessous. C'est la trappe qu'on actionne et notre sens elle souffre. Impossible de dialoguer entre nos vertes, c'est le gouffre, le temps m'essouffle. Nous, otage de Ronald, notre révérend Moon, qui aurait pu dire qu'on se serait fait niquer un beau jour par un clown. Bombardé de crack sous les palais d'os et les pipes crack. Bagarre au cutter dans nos corps affiche les stigmates. Lourd dont les caisses font que les flics matent. Rien de beau, ça sort à nos gueules et le fisc fait sa partie de maths. Repas de maman gâché par une odée de Kit Kat. On avance cagoulé, un sale vécu jonché de fric frac. Nous, sujet tabou dans leur bouche, dire qu'on est bien, c'est le drame. Ils rappliquent seulement si ça crame. La vie est courte, ils captent pas qu'on soit si speed. Ils comprennent pas que des frères et sœurs disciplinés depuis leurs stupides statistiques. Nous, enfants d'hier, père aujourd'hui. La mauvaise graine se répand, dur de la faire taire aujourd'hui. Ça a l'air tranquille comme ça, toi tu subis les fouilles. Y'a un monde entre nous, c'est vrai, qu'est-ce que tu casses les couilles. Nous, méfiants depuis qu'on est écoliers. Vrai, sincère, entier, patient, franc du collier. Quand même, faut pas déconner, car ce sont nos ménages qui consomment. La rage nous consomme quand ça va mal, si nous consomme. Depuis l'enfance, ce sont les mêmes qui nous consomment. Pour y remédier, un bon cocktail de voyelles et consonnes. La bombe agricole, nous. Génération assez déplacée, regard froid et tête brasée, les pieds dans la boue au fond de la fosse, sans craindre pour pouvoir brûler par la force. Assez déplacée, système et coupe à s'année, on marche avec des trous au fond des poches, mais on craint pour pouvoir brûler par la force. Enfant des halls gris, d'ici et d'ailleurs, plein de gris dans le rouage, qui gouffre en naufrage dans un skiff plein de peur. L'inconnu qui dérange, s'extirpant doucement de la fange. Pas prévu au départ, chaque réussite a sa place dans un strange fils du Vietnam urbain, décale plein les mains. Fier en diable, plus capable que coupable, ils le cachent car ils savent que même les pieds dans le sable, le ciel est touchable comme leur chaise et leur pied. Sans se plier ni piller, nous le sang des déracinés, aux traces dessinées, à l'encre magique, défiant leur logique. Beaucoup ont résisté, mais peu les bruites, seuls les bris de vitre suscitent l'intérêt de l'œil vicieux de l'attelé, au sens à s'atteler. Enfant de mensonges sans foi séculaire, fruit des centres de tri où on éloigne les cerfs des hautes sphères, où seule l'élite passe la barrière, pendant que nos pères cassent de la pierre, parce que personne veut le faire, et j'ai personne pour le con qui clame qu'on vole son salaire. Nous, quand ils savent peu et parlent trop, la haute accrochée dans le dos, faut au moins ça pour tout ce qu'on porte comme chapeau. J'avoue que parfois, c'est de l'intérieur que frappe le couteau, et les meilleurs tombent servant de repas aux infos. Nous, autodidactes aux salades, préférant l'acte, c'est parce qu'on en est pas qu'on tire la cloche avant la débâcle, cruel dernier acte, éclectique, la masse se déplace, perçue comme une menace, nous, le reflet dans la glace. On sait déjà que le sort nous réserve à chaque faux pas. T'inquiète, on a nos réserves de coups d'éclat. Même si toi tu t'éperdes, nous on s'en va. On a nos réserves, on sait déjà que le sort nous réserve à chaque faux pas. T'inquiète, on a nos réserves de coups d'éclat. Même si toi tu t'éperdes, nous on s'en va. Génération, j'ai l'évidence. Trois générations, j'ai l'évidence. Mais maintenant le combat se perpétue, se transporte dans la rue. À un grand sort, c'est lui, se transporte dans la rue. Dans la rue. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous. Maintenant le combat se perpétue, je t'aimerais que ça monte loin de nous.